to raise March 2011, the seventh day of our retreat. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars 2011, le septième jour de notre retraite. The talk today is about three different types of path, Lande, path and rebirth cycle, Sansara. They are based on the abilities of the yogis. Nous parlerons des trois chemins possibles lorsqu'on se trouve encore dans l'existence samsarique. Le choix va dépendre des aptitudes de chacun. Il y aura d'abord le chemin du kamma, les actions volitionnelles, ensuite le chemin des jhanas, les absorptions méditatives, et enfin le chemin de jnana, la connaissance intuitive pénétrante. De ces trois chemins, il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir nous permettre d'échapper au cycle des naissances et des morts, autrement dit, le cycle du samsara, et c'est le chemin de jnana. Les deux autres chemins, celui de kamma et de jhana, peuvent vous amener au point de départ du troisième chemin, celui de jnana, mais l'étape finale, la cessation du cycle des renaissances, ne pourra être obtenue que par le dur travail de vipassana. Le premier chemin, le chemin de kamma, c'est vivre en acceptant simplement les effets, bons ou mauvais, d'un kamma passé. La qualité de vie actuelle est déterminée par les mérites que nous avons accumulés au cours de nos existences antérieures. Il y a des actions méritoires qui vont engendrer une qualité de vie positive et il y a des actions déméritoires qui vont engendrer une qualité de vie médiocre. Vous devrez avoir foi dans la loi de cause et d'effet, dans la loi du kamma. Cette foi n'est pas la compréhension qui s'enracine dans l'investigation vipassana ni dans l'analyse. C'est simplement une acceptation, une compréhension. Il est possible de comprendre cette loi de la causalité, cette loi du kamma, en regardant simplement ce qui se passe autour de nous. Nous allons observer les êtres autour de nous, nous allons observer leurs actes et les conditions dans lesquelles ils vivent. Parfois, nous verrons des personnes qui auront une longue vie. Ils seront parfois en bonne santé, ils auront une belle apparence physique, alors que d'autres auront une vie courte, ils tomberont souvent malades et ils n'auront pas la chance d'avoir une belle apparence physique. Tout ceci n'est pas dû au hasard, c'est simplement le résultat d'un kamma passé, d'actions qui ont été faites dans des vies antérieures. Parfois, certaines personnes auront dès la naissance une certaine connaissance. Et ceci sera dû à des actions méritoires faites dans les vies antérieures. Ces personnes auront peut-être pratiqué la méditation, bhavana, dans des vies antérieures. Vous devez vous souvenir de tout ceci et faire des actions positives qui sont susceptibles d'engendrer des effets positifs dans la vie future. Et vous devrez faire cela tout au long de votre cheminement dans le samsara, en suivant le chemin du kamma. Le deuxième chemin, c'est celui de l'absorption dans les jhanas. Dans la culture occidentale, on associe souvent jhana avec pouvoirs supranormaux, pouvoirs psychiques comme par exemple se déplacer en volant, la télépathie, se projeter dans l'espace, et tout ceci va faire naître un très grand intérêt et le désir d'atteindre ces états. En fait, il y a deux sortes d'absorption. La première, c'est l'absorption qui permet de voler, etc. Et la deuxième, c'est l'absorption qui se présente lorsque l'on se concentre attentivement sur l'objet d'observation. Respectivement, il y a donc Samatha Jhana et Vipassana Jhana. Nous allons parler ici des absorptions que l'on peut obtenir en méditant. L'absorption Vipassana et l'absorption Samatha ont des caractéristiques communes. Par exemple, lorsque l'esprit du méditant est fermement établi sur les objets d'observation, il y a la présence de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'application initiale, vitaka, le maintien, vichara, la joie, piti, le confort, sukha, et la fixité de l'esprit, ekagata. Donc, lorsque le yogi contemple un objet en ayant dans son esprit ces facteurs, sa méditation vipassana ressemble au premier jhana qui est caractérisé par ces cinq facteurs. Lorsque le yogi atteint le stade de connaissance des apparitions et disparitions de tous les phénomènes, Udaya Baya Jnana, il est conscient de tous les objets qui se manifestent à chaque instant sans devoir faire un effort pour maintenir son esprit sur cet objet. Il n'y a pas l'application initiale, il n'y a pas le maintien. Il expérimente cependant une forte joie, le confort et la tranquillité. Son esprit ne vagabonde plus. Il note très facilement. Sa méditation ressemble alors au second jhana, caractérisé par ses trois attributs, piti la joie, sukha le confort et ekagata la fixité de l'esprit. Lorsque le méditant va expérimenter des lumières ou d'autres upakilesas, les corruptions de l'esprit, ceci est l'indice qu'il a progressé dans sa connaissance des apparitions et disparitions des phénomènes. Il n'y a plus de joie excitante, mais il expérimente un très grand confort. Son esprit est très calme et libre de toute distraction. Le yogi expérimente sukha, le confort, et ekagata, la fixité de l'esprit. Ces deux facteurs sont les caractéristiques du troisième jhana. Dans les stades de connaissance vipassana plus avancés, comme bhangajnana, la connaissance de la dissolution, le yogi n'expérimente plus sukha, le confort. Il n'y a plus que upekkha, l'équanimité, et ekagata, la fixité de l'esprit. La fixité de l'esprit est particulièrement claire et évidente lorsque le yogi atteint le stade de connaissance de l'équanimité des formations, Sankharupekkha Jnana. À ce stade de connaissance vipassana, on peut dire que sa méditation ressemble au quatrième jhana avec ses deux attributs, l'équanimité et la fixité de l'esprit. Parfois, il est possible que le yogi ait l'impression que son corps tout entier a disparu, comme s'il flottait dans l'espace. À ce moment-là, il est comme une personne qui serait absorbée dans la sphère de l'espace illimité. Parfois, l'attention du méditant se fixe exclusivement sur la conscience. Le yogi expérimente alors un état qui ressemble à la sphère de la conscience illimitée. Parfois, le yogi semble regarder le vide, et c'est un état qui ressemble à la sphère du néant. Ce sont des états qui ne sont pas souvent réalisés et les caractéristiques de ces états sont difficiles à expliquer à quelqu'un qui ne les a encore jamais expérimentés. Parfois, la conscience elle-même va devenir non existante. C'est un état qui ressemble à l'absorption que l'on appelle ni perception ni non-perception. Lorsqu'il expérimente ces choses inhabituelles, la joie, le confort, la tranquillité, etc., Les yogis pensent parfois qu'ils ont réalisé le Dhamma, et en conséquence, leur connaissance vipassana ne progresse plus. C'est pourquoi, lorsqu'on pratique la méditation vipassana, il faut noter ces expériences particulières sans s'y attacher. Dans le Salika Sutta, le Bouddha fait remarquer que ces réalisations des jhanas ne peuvent pas éradiquer de façon définitive les impuretés. Ces expériences vont simplement maintenir les impuretés à distance pendant un certain temps. Elles peuvent donner un certain confort au moment où elles sont expérimentées. Mais il ne s'agit pas là de la pratique qui mène à l'éradication des impuretés, qui va permettre de nous débarrasser totalement des pollutions mentales. C'est donc la limite du chemin de jhana. Mais ces réalisations des jhanas vont faire croire au méditant qu'il a atteint l'un ou l'autre des quatre magaphalas. Il y a des histoires de bhikkhus du temps du Bouddha qui ont été trompés de cette façon. Du temps du Bouddha, il y avait 500 moines qui méditaient dans la forêt en suivant les instructions que leur avait données le Bouddha. Ils atteignirent les absorptions, les jhanas, et constatèrent qu'ils n'avaient plus aucune impureté en eux. Ils étaient persuadés d'avoir atteint un résultat spirituel. Ils voulurent donc faire rapport de leurs expériences au Bouddha. Arrivés au monastère, ils rencontrèrent Ananda, qui leur rappela les instructions du Bouddha. Ils ne devaient le rencontrer qu'après s'être rendus au cimetière. Les moines se rendirent donc au cimetière. À l'époque, les cadavres étaient abandonnés dans les cimetières, attendant d'être brûlés. Au moment où les moines se rendirent donc au cimetière, il y avait là des cadavres qui étaient fraîchement décédés. À la vue de ces cadavres en décomposition, les moines furent remplis de dégoût et aussi, comme ils voyaient des cadavres de femmes, ils ne purent s'empêcher d'avoir du désir pour ces femmes. Ce n'est qu'après avoir expérimenté tout cela que les moines réalisèrent qu'ils ne s'étaient pas complètement débarrassés des dispositions latentes en eux. Ils virent alors des rayons lumineux qui sortaient de la demeure du Bouddha, qui leur délivra un sermon. Après avoir entendu le sermon du Bouddha, les moines devinrent tous des arhats. Il y a une autre histoire qui se passait 300 ans ou 400 ans après le décès du Bouddha. Dans le sud du Sri Lanka vivait un arahant du nom de Dhammadina, ce qui n'a rien à voir avec l'hôtesse de cette retraite. À l'époque, il y avait un vieux moine du nom de Mahanaga qui se considérait comme un arhat. Un jour, Dhammadina se rendit chez ce vieux moine et lui posa toutes sortes de questions auxquelles le vieux moine répondit très facilement. Le vénérable Dhammadina le félicita alors pour sa grande sagesse et lui demanda depuis quand il était un arahant. Il répondit qu'il était un arahant depuis plus de 60 ans et qu'il disposait en plus des pouvoirs psychiques. À la demande du vénérable Dhammadina, le vieux moine créa un grand éléphant. Pouvez-vous faire en sorte que cet éléphant se fâche et se précipite sur vous ? Demanda Dhammadina. Oui, répondit le moine, et il le fit. L'éléphant se mit donc à foncer vers le vieux moine, qui prit peur et était sur le point de s'enfuir, lorsque Dhammadina l'attrapa par la robe et lui demanda « Un arahant peut-il avoir peur ?» Dhammadina avait l'intention délibérée de faire surgir la peur et la colère dans l'esprit de Mahanaga car c'était une personne au tempérament colérique. Ce n'est que lorsque la colère et la peur se manifestèrent en lui que le vieux moine réalisa qu'il n'était pas encore totalement libre des impuretés. Il se mit alors à méditer en suivant les instructions de Dhammadina et devint un arhat. Donc, les yogis s'illusionnent parfois par rapport aux expériences inhabituelles qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont absorbés dans les jhanas. Ils pensent que ces expériences inhabituelles sont des réalisations spirituelles élevées. En fait, les jhanas ne peuvent pas déraciner les impuretés. Les jhanas n'amènent que le calme et la paix temporaires. Si l'on pense que l'on a réalisé le Dhamma, on ne va plus fournir d'efforts pour poursuivre la pratique. Si on ne fournit plus d'efforts, les connaissances vipassana ne vont pas pouvoir se manifester. En conséquence, le méditant ne comprendra pas les caractéristiques universelles d'impermanence, de non-soi et d'insatisfaction, anicca, anatta, dukkha. Si ces trois caractéristiques de l'existence ne sont pas réalisées, la vue fausse qui fait croire que les choses sont agréables ne pourra pas être abandonnée et les impuretés ne pourront pas être déracinées. Le chemin de jnana ne sera jamais atteint, le yogi se trouvera encore toujours au point de départ de ce chemin. Ce n'est qu'en cheminant sur le chemin de jnana que les causes de dukkha, les impuretés mentales, pourront être abandonnées et que le yogi pourra atteindre la destination finale, c'est-à-dire nibbana. Nibbana, qui est libre de toute souffrance physique et mentale et qui libère du cycle des renaissances. Ce n'est que en cheminant sur le chemin de jnana, donc en pratiquant la méditation vipassana, que le yogi va pouvoir maintenir son attention sur les sensations qui se manifestent à chaque instant. Si le yogi reste dans l'instant présent, les impuretés n'ont aucune chance de pénétrer dans son esprit. Son esprit est en effet monopolisé par l'objet d'observation. Les impuretés qui peuvent rendre l'esprit si dur et offrir toutes sortes de distractions sont dispersées lorsque le yogi reste dans l'instant présent. L'esprit du yogi se donne une chance de devenir souple. S'il persévère dans sa pratique et qu'il continue à noter ainsi, le yogi va devenir capable de pénétrer la véritable nature des choses, paramatta. Il va alors réaliser que tout n'est jamais fait que d'esprit et de matière. Il n'y a à l'intérieur de lui que l'esprit et la matière. Et le méditant expérimente un grand soulagement. Il va ensuite poursuivre sa pratique et verra comment ces phénomènes sont conditionnés. Il va ainsi libérer son esprit du doute. C'est souvent le doute qui va saper l'énergie du méditant. Dès que le méditant aura développé jnana, la connaissance, et qu'il aura vu les causes et les effets, qu'il aura réalisé la connaissance des causes et des effets, le doute sera éradiqué. Cette compréhension va amener un regain d'énergie. Son esprit va s'assouplir, va devenir clair et va se débarrasser complètement du doute. Le yogi pourra alors voir la véritable nature des phénomènes physiques et mentaux, c'est-à-dire leur caractère impermanent. Voyant de façon pénétrante la nature impermanente et la nature insubstantielle des phénomènes, il réalise également la cause de la souffrance. Donc, il est nécessaire que les yogis vipassana, les pratiquants vipassana, notent toutes ces expériences inhabituelles qui ressemblent au jhana. Ce n'est que s'il évite de s'attacher à ses expériences, qu'il ne développe pas de désir pour ses expériences, que les connaissances vipassana vont pouvoir se développer facilement. À force d'observer ces sensations agréables associées au jhana, le méditant verra qu'elles sont impermanentes et donc une cause de souffrance. Le méditant note les caractéristiques de ces phénomènes et il peut ainsi développer la compréhension profonde de l'impermanence du non-soi et de la souffrance. Ceci, c'est la voie juste pour échapper au cycle des renaissances et atteindre la véritable paix, Nibbana. May you be able to observe all phenomena and reach your desired goal or Nibbana easily and in comfort. Sadhu. Puissiez-vous observer tous les phénomènes et atteindre votre but tant désiré, Nibbana, puissiez-vous le faire facilement et confortablement. Sadhu.